Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. Un conflit oppose une coopérative d'exploitation des carrières sur la colline Gakungwe de la commune Kawezi à l'administration communale. Un reportage à suivre. Les projets de loi analysés et adoptés par l'Assemblée nationale font objet de préoccupations à la population kényane. La contestation dans la rue du projet de budget finalement retiré par le président de la République, William Ruto, en est la preuve. Un exemple à suivre au Burundi, nous dira le président du parti Uprona. Et la ministre de la Santé rassure que les médicaments et équipements pour traiter les patients souffrant d'insuffisance rénale sont suffisants. Vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président du groupe parlementaire CNL, récemment constitué par 13 députés, affirme que la procédure suivie reste conforme à la loi, alors que 18 autres députés de ce parti décrit la violation de la loi. Tant que ces changements n'ont rien à voir avec la démission ou les nouveaux entrants, comme prévu par le règlement d'ordre intérieur, Léopold Hakizimana dit qu'à côté de ce règlement, les modifications se sont également inspirées dans l'ivraie régissant tel groupe au sein du parti. Suivez-le au micro d'Alain Désiré Boukayenet. Le président du groupe parlementaire qui dirigeait le groupe parlementaire depuis l'année 2021 n'a pas honoré à ses engagements. La dernière réunion du groupe parlementaire date du 11 novembre 2022. Autre chose, il a divisé le groupe parlementaire. Il a créé un groupe WhatsApp et il a mis un certain nombre de députés, soi-disant, qui lui sont fidèles. En créant un groupe WhatsApp, c'est prohibé par la loi. C'est pas prohibé par la loi, mais l'objectif est prohibé par le contenu du règlement intérieur du groupe parlementaire. Après la mise en place du groupe parlementaire, les députés du CNR ont rédigé un petit livret que je pourrais appeler un mémorandum ou un règlement d'ordre intérieur régissant le groupe parlementaire. C'est bel et bien mentionné que l'objectif premier, c'est unifier. Un petit bouquet que vous avez mis en place au sein du parti, pourquoi cela prime sur le règlement d'ordre intérieur? Non, ça ne prime pas. Tout simplement, c'est un petit bouquet que nous avons élaboré entre nous qui va nous aider. Et comme ça émane du parti, c'est bien signé, même le président du parti avait signé, connaît ce règlement. Ça tient comme une loi en interne. La manifestation de la population kényane contre le projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses de taxes montre qu'elle suit de près l'analyse et l'adoption des projets de loi à l'Assemblée nationale. Analyse du président du parti Uprona, Olivier Nkurunziza, qui salue aussi la souplesse du président William Ruto, qui a vite compris les doléances de sa population. Il invite la population burundaise et les politiciens à se servir de cet exemple kényan afin de marquer leur intérêt au projet de loi voté par le Parlement. Suivez Olivier Nkurunziza. Le budget, c'est le miroir, c'est l'image effectivement du pays dans l'année suivante. Et c'est la raison pour laquelle les Burundis doivent toujours suivre, même les hommes politiques, ils font des débats politiques sans toutefois entrer en détail. Mais il faut que l'Assemblée et le Sénat comprennent qu'effectivement, avant de voter, il faut qu'il y ait la contribution. Voilà, même au Burundi, on a voté la loi code électoral sans que les gens contribuent. Ils ont fait la loi de redécoupage administratif alors que les hommes politiques ne sont pas même informés. Vous voyez que souvent au Burundi, les lois qui passent dans l'Assemblée, ce sont des lois qui passent par force et on nargue la population burundaise sans toutefois savoir qu'ils ont quelque chose à contribuer. Ils ignorent leur contribution, même si nous contribuons, ils peuvent en tenir compte ou pas parce qu'ils savent que les Burundais, s'ils vont dire qu'ils vont manifester, ils vont les mater. Et cela, c'est utiliser la force. Voilà, au niveau du Kenya, il y a la liberté d'expression, il y a de la démocratie. Et d'ailleurs, dans la sous-région, c'est l'exemple de la démocratie. Et nous saluons effectivement que le président même a compris, a accepté effectivement la demande de la population. Il a effectivement dit qu'il ne va pas signer cette loi budgétaire, que cette loi va être revue. Et c'est la raison pour laquelle je demande qu'il faut toujours être vigilant pour savoir le contenu de la loi budgétaire, parce que c'est la vie de la population burundaise. Sinon, on ne pouvait pas avoir effectivement la base d'évaluer ce que le gouvernement a fait sans que tu n'as pas connu le contenu de la loi budgétaire. Olivier Nkurunziza, c'est le président du parti UPRONA. Je vous l'avais dit, grogne chez les membres de la coopérative de Shirehamwe Twitezimbere impliqués dans l'exploitation des carrières sur la colline Gakungwe de la commune Kabezi. À l'origine, l'arrêt de leurs activités qui les a plongés dans la misère. Ils pointent du doigt l'administration communale qui a cédé ensuite leur appartenant à un homme d'affaires avant l'expiration du contrat. L'administration communale rassure que la question va être traitée prochainement. On fait le point avec Charles Makoto. Antoinette Ndaïsaba est une femme âgée de 62 ans, courbée sur une natte devant sa maison. Elle dit avoir travaillé dans l'exploitation des carrières à la colline Gakungwe avant la crise de 1993, ce qui lui avait permis de mener une vie décente, mais actuellement, elle crie à la faim. Je suis désœuvrée, je ne trouve quoi mettre sous la dent. Nous sommes vraiment malheureux. Qu'on nous restitue cette zone qu'on exploitait pour que les gens ne se livrent pas aux actes de vol. Ces habitants de la colline Gakungwe déplorent la suspension de leurs activités et l'attribution de leur site à un homme d'affaires avant que la commune leur ait montré un autre endroit où travailler. Ce problème a été longtemps évoqué dans différentes réunions. Le gouverneur tranquillisait que personne n'allait errer dans la rue. Mais par après, nous avons été surpris par une correspondance de l'administrateur autorisant cet opérateur privé à commencer l'exploitation. Cette correspondance nous intimait l'ordre de quitter sans toutefois nous indiquer un autre endroit. Il faut qu'on nous montre une autre zone d'exploitation, comme l'administrateur communal l'avait promis. Nous avons longtemps attendu, mais sans succès. L'autorité communale a dû être au courant de la situation et rassure les habitants, indiquant qu'elle est à la quête d'un autre site qui leur permettront de reprendre les activités. Ndrenimana Moïse, il est le conseiller de l'administrateur chargé des services techniques communaux à Kabezi. Le projet d'attribution de cet espace a duré très longtemps et les acquéreurs croyaient que ce projet a été suspendu. Mais par après, ils ont été mis au courant que ce projet était en cours. La commune est toujours à l'œuvre pour leur trouver une autre zone d'exploitation. Les activités de la coopérative de Shirehamwe Twitezimbere consistant à l'exploitation des carrières ont été suspendues sur la colline Gakungwe il y a de là 5 mois. Charles Makoto, au sein de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, qui suit de près les questions de gouvernance, on dénonce son vice de procédure. Suivez à ce propos les explications du président de la LUCOM, Gabriel Rouftiri. S'il y a des documents qui ont été signés par l'autorité compétente, en principe, il est strictement interdit de rompre le contrat sans qu'il n'y ait pas eu de défaillance de l'une des parties. C'est le principe de l'établissement des contrats ou des conventions. Dans le cas présent, nous pensons que si ces coopératives avaient des contrats régulièrement établi. Nous pensons que la seule solution, d'abord, c'est d'aller voir l'autorité hiérarchique et exiger que ces coopératives soient rétablies dans les droits. Surtout que ce sont des groupements de citoyens qui se sont mis ensemble dans le but de faire l'autodéveloppement. Donc, pas question qu'une seule personne sous une casquette de telle ou telle influence domine la population. Nous, nous pensons que l'autorité hiérarchique peut agir d'une manière juste. C'est ce que nous pensons. La loi est claire, en tout cas. La loi protège le premier acquéreur. Respecter la loi et le contenu de la convention, c'est surtout les principes du premier venu, premier servi. Surtout que ce sont des groupements de citoyens qui se sont mis ensemble dans le but de faire l'autodéveloppement. Santé à présent, les médicaments et équipements pour traiter les patients souffrant de l'insuffisance rénale sont suffisants. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi la ministre de la Santé publique, faisant référence au stock de l'hôpital Prince et Régent Charles. Dr Lidwine Baradahana précise que des médicaments nécessaires pour au moins 120 malades sont disponibles pour une période d'un peu plus de 3 mois. pour éviter des ruptures de stock, dit-elle. Des commandes pour toute une année seront passées. On l'écoute. Venons de visiter nos stocks, des solutions et des consommables pour les modialyses, pour les malades qui souffrent de l'insuffisance rénale chronique. Nous avons visité l'hôpital Prince Régent Charles et nous avons constaté qu'il y a un stock suffisant pour traiter au moins 120 malades pendant 3 mois. L'hôpital Prince Régent Charles a une file active de 60 patients qui se font soigner ici. Si nous ajoutons la file active de l'hôpital militaire de Kamenge et de l'hôpital national de police, et qui peuvent aussi bénéficier de ce stock, nous pouvons affirmer que nous avons suffisamment de matériel et de consommables pour traiter en hémodialyse autour de 120 patients pendant 3 mois. Donc je voulais vraiment désinformer. Cette nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux, disant qu'il n'y a pas de médicaments ou de consommables pour l'hémodialyse. Et notre commande sera lancée rapidement au mois de juillet et la livraison pourra nous arriver dans un délai qui ne dépasse pas 2 mois. Docteur Lidwine Nevaradahana, c'est la ministre de la Santé. On y reste. Un médecin travaillant dans un des hôpitaux d'Ngozi est sous les verrous depuis 5 jours à la suite d'une césarienne qui la pratiquait et la mort de la dame après son transfert à Bujumbura. Mais les enquêtes menées par la représentation de l'ordre des médecins burundais à Ngozi montrent que Docteur Guy Iriba n'y est pour rien. Apollinaire Mozagara. Selon les informations émanant de la polyclinique Germain Martin, auprès du docteur Guy Iriba, son médecin a césarisé une femme le 20 mai cette année 2024. Des jours après la césarienne, la femme a été transférée à Bujumbura où elle a fini par décéder. La famille de la défunte a saisi par après la justice, parlant de la responsabilité de son médecin dans cette mort. Le 24 de ce mois de juin, le procureur de la République Ngozi, Alfred Frank-Ngomanziza, a procédé à son arrestation et l'a emprisonné. Les collègues de l'hôpital Germain Martin, ainsi que Dr Guillaume Naokurigayo, représentant l'ordre des médecins burundais à Ngozi, demandent la libération de Dr Guy Iriba, un médecin expérimenté selon eux, avec 13 ans d'expérience. Selon Dr Guillaume Naokurigayo, les enquêtes menées par l'ordre des médecins burundais montrent qu'il n'est aucunement impliqué dans ce décès. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimana. Isanganiro.